Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire du paysage et de ses représentations dans la fabrique de l'histoire, après avoir écouté ou réécouté le grand paysagiste Michel Corajou lundi, puis mardi le documentaire sur un tableau de 1870 peint à Trouville par le jeune Claude Monet, et hier nous être interrogés sur la naissance du paysage romantique, nous allons ce matin nous demander si, comme on le dit souvent, donc la peinture de paysage européenne est bien née à la Renaissance. C'est en effet un lieu commun de l'histoire de l'art que de dire que c'est du côté de Sienne ou d'Anvers que naît le paysage occidental. Qu'en disent aujourd'hui les chercheurs? C'est ce que nous verrons avec Perrine Cavran, qui a préparé cette semaine avec nous, et avec Anne-Laure Imbert. Elle est maître de conférences en histoire de l'art de la Renaissance à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle dirige actuellement un volume collectif à paraître aux publications de la Sorbonne sur regardeurs, voyageurs et flâneurs dans la peinture. Et elle publiera bientôt sa thèse, au très beau titre d'ailleurs, Terre au pluriel de Sienne, Terre de Sienne, consacrée au paysage chinois et à ses représentations au 14e, 15e siècle. Michel Wemans est professeur à l'École des Beaux-Arts de Bourges et chercheur associé au Centre d'Histoire et Théorie de l'Art de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il est spécialiste du paysage et de la peinture flamande. On cite ici, par exemple, il est auteur d'une monographie thématique sur Henri Maître de Blesse, donc, qui est sous-titré « Les ruses du paysage », et il prépare une monographie sur Joachim Patinir, donc, et le paysage flamand au XVIe siècle. Et Jean-Michel Croisille est avec nous, il est professeur émérite de littérature latine et de civilisation romaine. Il a été enseignant à Clermont-Ferrand et à Grenoble. Il s'intéresse à la peinture murale romaine depuis 60 ans. Il est l'auteur de « Paysages au pluriel dans la peinture romaine » chez Picard. Bonjour Perrine Cavran. Bonjour. Alors quand il s'est agi de découper, qu'on le fait régulièrement cette semaine, consacrée à l'histoire du paysage et de ses représentations, on s'est dit, bon, il faut absolument parler du paysage romantique, c'est ce qu'on a fait hier, mais on s'est posé aussi une question toute bête, c'est tout compte fait, qu'en est cette histoire du paysage? Et on est tombé sur, on pourrait dire, un os historiographique, c'est-à-dire, est-ce bien, comme on le dit souvent, à la Renaissance italienne que naît ce paysage? Voilà, c'est un peu l'Arlésienne en histoire de l'art. Le paysage arrive à la fin du Moyen-Âge, la peinture de paysage, avec la laïcisation, de la peinture. Alors, est-ce que c'est effectivement le cas? Je pense qu'on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme toujours. Avec Anne-Laure Imbert, bonjour Anne-Laure Imbert. Oui. Merci bonjour. D'être avec nous. Avec Michel Wemans, bonjour Michel Wemans. Et avec vous au téléphone, Jean-Michel Croisille. Bonjour Jean-Michel Croisille. Bonjour. Alors, Anne-Laure Imbert, vous qui travaillez justement sur cette période clé, considérée comme clé pour cette histoire du paysage, qui est cette période du Trecento, Quattrocento italien, et en particulier du côté de Sienne, qu'est-ce que vous avez à dire simplement déjà pour poser les bases d'une discussion sur cette, entre guillemets, idée reçue? Alors, je voudrais d'abord revenir sur cette notion d'idée reçue, puisque en fait... très souvent, on lit plutôt que ce n'est pas à Sienne et ce n'est pas en Italie que naît le paysage, mais plutôt dans les Flandres du XVe siècle. Et que donc il y aurait dans ces Flandres du XVe siècle, donc c'est une théorie qui a surtout été développée dans les années 90, on aurait donc dans ces Flandres du XVe siècle toutes les conditions en fait nécessaires pour l'émergence donc du paysage, c'est-à-dire donc d'une vue... soit de ville, soit d'étendue de pays, qui s'autonomiserait par rapport au sujet principal du tableau. Et en particulier, donc, on a voulu isoler les vues par la fenêtre ou depuis un parapet. Donc on aurait voulu déceler dans ce schéma la naissance finalement du paysage. Oui, on peut penser à Van Eyck, au chevalier, à la Vierge, au chancelier Rollin, tout à fait. On voit effectivement le paysage à l'arrière du tableau. Voilà. On peut même en profiter pour conseiller nos auditeurs de réécouter le documentaire que vous avez consacré il y a peu de temps à ce sujet, Perrine Cavran. Continuez donc, Anne-Laure Imbert. Alors ça, c'était l'idée reçue, c'est en voilà. Flandre. C'est en Flandre. Et puis, donc, chez ces auteurs, donc, je pense par exemple à Augustin Berck ou surtout Alain Roger, hein, qui, dans son court traité du paysage, donc justement a théorisé en quelque sorte cette naissance du paysage. Eh bien, ces auteurs disent oui, mais il y a quand même un précédent, il y a quand même une exception. C'est celle d'Ambrogio Lorenzetti et de son fameux donc, panorama du bon gouvernement, du bon et du mauvais gouvernement au palais public de Sienne. On peut conseiller donc de lire là, le livre récent de Patrick Boucheron sur la fresque du bon gouvernement. Voilà. Justement, donc c'est paru il y a 6 mois de cela. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Donc Patrick Boucheron s'intéresse surtout au contenu politique hein, du pays, du panorama. Et... voilà, donc il y a cet os, comme vous disiez tout à l'heure, du bon gouvernement qui donc anticiperait ce que nous aurions ensuite dans la peinture flamande. Et donc ces théories associent donc très fortement le paysage à ce qu'on va appeler la modernité, donc l'émergence de la modernité, le début donc de l'ère moderne. Et donc cette approche, ça ne peut pas donc s'être passé en plein cœur du Moyen-Âge, par exemple. Cette approche va couper la Renaissance et le Moyen-Âge, comme si il y avait une ligne contracée, tac. D'un côté, il y a le Moyen-Âge, de l'autre, la Renaissance. Et dans ce Moyen-Âge, on a une exception qui serait le bon gouvernement. Est-ce qu'on pourrait mettre Giotto dans cette exception aussi ? Alors, moi, j'ai une autre, approche que celle-là. Donc ça, si vous voulez, c'est le point de départ, disons, historiographique, qui donc vraiment a dominé à partir des années 90. Et puis depuis, quand même, on est revenu sur cette approche. En fait, le présupposé quasiment idéologique qui se dessine derrière, c'est que le paysage ne serait possible que grâce à une laïcisation de la pensée. Or, personnellement, il me semble que, et je pense que donc Monsieur Wimans ne pourra qu'abonder dans ce sens, que en fait tout un pan de la peinture qui a permis l'émergence du paysage est la peinture religieuse. Et même donc ces fenêtres qui encadrent donc une vue, hein, une veduta, si l'on veut, pour prendre le terme italien qui sera utilisé plus tard, eh bien en fait au départ sont bien dans des tableaux religieux. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une rupture en fait entre le sujet principal, par exemple la Vierge du chancelier Rollin, et le panorama qui se déploie à l'arrière-plan. Donc, on ne peut pas isoler les deux. L'un en fait est en quelque sorte la caisse de résonance de l'autre. Et puisque vous avez tendu la perche à votre voisin, à savoir Michel Wimans, qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Vous qui travaillez spécifiquement sur ce paysage flamand, on est en train de vous voler la particularité du paysage flamand, on est en train de dire tout compte fait, ça n'est pas si particulier que cela, puisqu'il y a eu des précédents, et plus nombreux qu'on le croit, du côté de l'Italie du Trecento et Quattrocento. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous qui travaillez maintenant sur ce sujet-là, et en particulier sur deux peintres qui sont considérés justement comme les peintres emblématiques de cette peinture de paysage, Érymée de Blesse, sur lequel vous avez fait donc, les ruses du paysage au temps de Bruegel et d'Erasme, et puis un autre qui était plus important parce que plus connu depuis plus longtemps, à savoir Joachim Patinir, sur lequel vous travaillez en particulier dans cette question du paysage flamand au XVIe siècle. Alors, Michel Wimans. Mais je suis on ne peut plus d'accord avec ce que vient de dire Anne-Laure Imbert. Je crois que quand on s'interroge sur la naissance du paysage, il faut cesser de considérer le paysage comme une pure invention moderne. Il faut éviter les coupures entre les genres, parce que le paysage, ce n'est pas seulement la peinture. Il y a différents supports. Et l'émergence d'une représentation moderne du paysage à la Renaissance, elle se fait sur des supports variés. Il y a des dessins, il y a des enluminures. Il y a des livres d'heures. Il y a des livres d'heures, il y a les paysages. Et donc, c'est cet ensemble... Hétéroclite de support qu'il faut prendre en compte pour essayer d'interroger non pas seulement le paysage en peinture, mais une nouvelle sensibilité paysagère. Et puis, il y a bien sûr, il faut interroger, questionner la réception du paysage, à la fois à l'époque, à travers quelques textes, mais aussi la réception du paysage qui a été faite à l'époque moderne et notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Parce que c'est là qu'une certaine approche du paysage, une certaine conception du paysage pur, autonome, a été élaborée et a longuement influencé les études sur le paysage que Anne-Laure Imbert, Jean-Michel Croisy ou moi-même maintenant remettons en cause. Vous voulez dire qu'il faudrait laver notre regard du regard de ceux qui regardaient ces paysages en peinture au 19e siècle ? On peut dire comme ça, on peut dire qu'il faut élargir le regard. Je voudrais revenir peut-être sur l'exemple qui est parfaitement bien choisi de la Madone au chancelier Rollin. Parce que là, il se passe quelque chose de très intéressant hein, de ce tableau. Je pense que beaucoup de gens l'ont à l'esprit. On voit donc un regard latéral qui est un regard, on peut dire, spirituel hein, du personnage, donc du chancelier, vers la Vierge à l'intérieur d'un palais. Et puis, il y a une thématisation de la vision avec ces deux petits personnages qui, au fond, nous tournent le dos. Hein, ce sont des sosies miniatures du spectateur et regardent vers un magnifique paysage. Au-dessus d'un balcon. Au-dessus d'un balcon. Ce qui se passe là, donc, c'est ce que je qualifie de thématisation de la vision. Et ce qui se passe avec le paysage néerlandais, quand il se développe à partir du XVe siècle et du XVIe siècle, ce n'est pas une pure invention, ce n'est pas une coupure, c'est la prolongation d'une interrogation qui est déjà posée dans ce tableau sur un paradoxe que l'on peut définir comme ceci. C'est celui de l'affirmation simultanée de la splendeur matérielle, de la matérialité picturale. Et ce tableau donc, regorge en matière précieuse jusque dans les détails non seulement du palais, mais du paysage. Et la nécessité en même temps de transcender cette matérialité pour aller vers un sens ou une réalité transcendante ou spirituelle. Et donc, c'est un paradoxe que thématise la vision qui est mise en scène par ces tableaux et qui sans cesse oppose ce qu'on appelait à l'époque vision charnelle et vision spirituelle. Périne Cabran. Oui, et d'ailleurs, dans votre travail, Michel Wimons, on voit bien que vous êtes attaché à ces paysages de Hérimède de Blesse, qu'on a longtemps regardé comme des paysages, et vous montrez qu'en fait, ce sont des tableaux religieux, qu'on a regardé longtemps comme des tableaux peut-être un peu plus laïcs qu'ils ne l'étaient. Et vous expliquez qu'il y a vraiment toute la question de l'exégèse, la question de la prière, la question de la dévotion, qui sont totalement partie prenante et matière première de ces tableaux. Il y a à la fois, oui, cette dimension qui est la plus, oui, spirituelle. Mais quand on est devant un paysage de Patinir ou de Blesse, ou devant beaucoup de paysages flamands, ce qui frappe, c'est d'abord la sensualité, la sensualité des matières, de la des nature, couleurs. Des couleurs. Et ensuite, on est amené, lorsqu'on regarde attentivement, à réfléchir sur la signification des personnages, notamment des personnages religieux. Et une des thématiques qui est récurrente dans beaucoup de ces tableaux, c'est la mise en scène de personnages visionnaires, ou au contraire, de personnages qui incarnent des formes d'aveuglement physique ou moral. Et donc, c'est le mélange des deux, soit des visions lointaines, soit au contraire des aveuglements, et avec la présence régulière de chouettes, par exemple, qu'on peut décliner quand on s'intéresse en particulier, comme vous, à Hérimède de Blesse ou à d'autres peintres comme Joachim Patinir. Alors, puisqu'on complexifie une question apparemment simple depuis le début de cette émission, je voudrais donner la parole tout de suite à Jean-Michel Croisy, qui n'est pas encore intervenu. Jean-Michel Croisy, vous êtes spécialiste, vous, de la période romaine, et vous êtes auteur de paysages dans la peinture romaine, c'est chez Picard, mais curieusement, vous ne mettez pas paysage au singulier, vous mettez paysage au pluriel. Alors, pour complexifier, est-ce que ça n'est pas la même chose que de parler des paysages au singulier ou des paysages au pluriel, et surtout dans une période dont on considère généralement qu'elle n'est pas une période faste pour les peintures de paysages, Jean-Michel Croisy ? Il s'agit là, je pense, d'une idée reçue dont Alain Roger, dont on parlait tout à l'heure, a fait partiellement justice dans son court traité du paysage. Il parle de proto-paysage à propos de l'Antiquité, et il est vrai que depuis le second siècle avant notre ère jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, il y a eu un intérêt considérable pour la représentation naturelle, naturaliste, de plusieurs manières. C'est la raison pour laquelle j'ai employé le terme de paysage au pluriel. De quoi s'agit-il en effet ? Il s'agit de représentation de la nature qui prend de plus en plus d'importance au détriment des personnages. Mmh. Tous les propos qui ont été tenus jusqu'ici nous situent dans des perspectives qui sont plutôt des perspectives de spiritualité chrétienne. Mmh. En fait, dans l'Antiquité, où le polythéisme existait, jamais la représentation de nature n'a été séparée d'un contexte rituels, certainement. Mais enfin, à partir de la période hellénistique, où on a quelques exemples tout à fait remarquables de représentations paysagères, notamment dans la mosaïque de Palestrina, par exemple, qui remonte à la fin du second siècle avant Jésus-Christ, ou encore dans le tombeau plus ancien de Philippe II de Macédoine, et qui se trouve qui a été découvert récemment à Virginia, en Macédoine, il y a un intérêt pour la nature, et cet intérêt, la représentation de la nature, et cet intérêt s'est manifesté de manière de plus en plus importante dans la peinture d'époque romaine. Cette peinture d'époque romaine, je m'y intéresse depuis de nombreuses années, et j'ai pu remarquer que toute une série de représentations picturales, il s'agit, je le rappelle, de peinture murale, faisait une très grande part à ce que l'on appelle justement le paysage, que l'on désigne dans l'Antiquité par un terme bien précis, qui est le terme de topia. Topia, c'est topia, ça. Topia, qui est un terme emprunté au grec, qui a été transposé en latin, et qui désigne des éléments naturels représentés par un certain nombre de peintres, dont font écho Vitruve ou Pline l'Ancien. Et je songe tout particulièrement à un personnage dont Pline l'Ancien, qui, je le rappelle, écrivait à la fin du premier siècle de notre ère, un personnage qui s'appelle Studius et qui était considéré dans l'Antiquité comme un véritable créateur de motifs paysagistes. Alors là, justement, je crois qu'il y a lieu de répertorier, ce que j'ai fait d'ailleurs, les principaux documents qui illustrent cette théorie des topias. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage qui analyse, au cours de la Révolution, les différents documents auxquels j'ai consacré un certain nombre d'analyses. On va y revenir dans un deuxième temps avec vous, si vous le voulez bien, Jean-Michel Croisy. On fait une petite pause dans cette discussion pour reprendre la discussion après Tout l'univers, interprété de l'ensemble Clément Jeannequin, donc une composition de Pascal de Lestocart. L'univers par l'ensemble Clément Jeannequin, une composition de Pascal de Lestocart. Alors nous sommes à 9h26 dans la Fabrique de l'Histoire de ce jour, en train de décliner une question apparemment simple. Y a-t-il une histoire de la peinture de paysage avant la période instituée par l'histoire de l'art classiquement, c'est-à-dire la Renaissance et en particulier la Renaissance flamande? Et nous sommes avec nos trois invités, Anne-Laure Imbert, Michel Wimans et Jean-Michel Croisy, Perrine Quimbran. Oui, Anne-Laure Imbert, vous avez donc travaillé sur la peinture siennoise et vous montrez finalement quelque chose d'assez intéressant autour de la question de la catégorisation. Vous dites que finalement cette catégorisation, de dire qu'il y a un paysage pur et puis que c'est ça qu'il faut considérer comme peinture de paysage, empêche un peu de regarder les choses. Et vous montrez à travers l'exemple de la peinture siennoise, en parlant de la fresque du Bon Gouvernement, mais aussi d'autres tableaux, qu'il faut aussi être attentif à l'intention de départ, c'est-à-dire dire la peinture siennoise, là en l'occurrence, ces peintures-là étaient commandées par la ville, alors parfois pour des raisons politiques, parfois pour des raisons religieuses, pour des motifs différents, mais en tout cas, il y a une intention qui fait qu'on regarde le paysage d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, cette notion de paysage pur, donc c'est une notion qui apparaît au XIXe siècle. Hein. J'aime beaucoup cette citation de Zola dans son roman L'œuvre, hein, qui fait dire à un de ses personnages, donc qu'il place dans l'orbite de l'école de Barbizon, que les paysages sont des morceaux de nature jetés sur la toile. Voilà. Et donc, cette conception, elle va avoir la peau dure, hein, si je puis dire. Et bien sûr, elle va totalement à l'encontre de ce que nous disions tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien, parce que, si vous voulez, on a très longtemps considéré le paysage simplement sous l'angle de la veduta. Et il me semble que précisément le dispositif de la vision dont parlait tout à l'heure Michel Wimans est absolument décisif. Et en particulier, donc, dans ce XIVe siècle italien. Au XIVe siècle, nous avons dans la littérature d'abord ce dispositif de la vision qui se met en place. Alors très souvent, c'est un personnage qui s'endort. Alors il peut s'endormir sous un arbre, il s'endort dans la nature et puis il voit. Hein, il voit. Alors ça peut être un songe politique, un songe religieux. Et on va retrouver dans la peinture ce dispositif du personnage qui s'endort. Ou qui ne s'endort pas, mais qui en quelque sorte rêve les yeux ouverts. Et on peut dire que finalement ces petits personnages dont on parlait tout à l'heure, donc Saint Jérôme, par exemple, qui sont... ou des personnages comme ça. Enfin, on le trouve pas dans la peinture viennoise, mais on le trouve dans la peinture flamande. Le Saint Jérôme qui s'endort, par exemple, ça peut exister. Oui, oui, oui. Mais je pensais plutôt, vous voyez, ces petits bonshommes du chancelier Rollin, hein, qui vont après être repris chez Ghirlandaio, qui vont être repris chez Van der Weyden. Eh bien, en quelque sorte, ils ont une vision. Mmh. Et ce qu'ils nous montrent à l'arrière-plan, eh bien, c'est finalement le contenu de leur vision. Si vous prenez, pour rester sur cet exemple du chancelier Rollin, certes, on peut dire que c'est une veduta, puisqu'il y a un réalisme dans le détail, dans la représentation des bâtiments, des éléments naturels, bon, qui emprunte bien évidemment à la réalité. Hein. Il y a vraiment une tentative d'individuation, une attention à la réalité qui est évidente. Et en même temps, c'est une veduta qui est complètement déceptive. Il est impossible, en fait, de reconnaître. Donc c'est un panorama qui, en réalité, n'existe pas. On ne peut pas identifier la ville. C'est vraiment le contenu. Voilà. Nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents. Voilà, tout à fait. Et donc c'est vraiment le contenu d'une vision. Et alors, est-ce que c'est la vision seulement de ces petits personnages ? Est-ce que ce n'est pas aussi la vision du chancelier lui-même ? Un pays bien administré ? Mm-hmm. Voilà. Et chez Lorenzetti, on a la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a une veduta... Pardon, excusez-moi. Pour la fresque du bon gouvernement, oui, voilà, sienne. Voilà, tout à fait. On a une veduta qui est impossible. On voit à la fois sienne et la mer, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Même si on se met en haut du palais public, on ne peut pas voir la mer. Donc, c'est un pays totalement idéalisé qui veut montrer ce qu'est donc un pays bien administré par un bon gouvernement. Et vous rappelez que pour des petits panneaux, par exemple, qu'on peut trouver à la Pinacothèque de Sienne, et dont vous dites que peut-être ce sont des panneaux de coffres, par exemple, qui représentent un château au bord du lac et une ville au bord de la mer, dont on ne sait pas très bien qui sont les auteurs de ces panneaux, ni même à quelle époque ils ont été peints, eh bien ces petits panneaux ont quelque chose à voir avec la bonne administration du territoire siennois, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose sur le cadastre qu'on est en train de mettre en place, la façon dont on administre un territoire. Et donc, ces petites vues comme cela que l'on a et qu'on peut prendre pour des vues de paysage, elles ont quelque chose à voir avec la politique et l'administration politique du territoire. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a souvent qualifié ces deux petits paysages comme les premiers paysages purs de la peinture occidentale. Et vous dites, ce ne sont pas des paysages purs parce qu'il y a toujours une intention derrière. Voilà, exactement. Et donc, en dernière analyse, il semblerait effectivement que ce soit, alors, soit des morceaux de retable, mais ça me paraît assez peu vraisemblable, soit plus sans doute plus vraisemblablement des morceaux de panneaux de coffres. Alors, ça veut dire que, et vous posez la question dans un de vos articles, Anne-Laure Imbert, quand on dit, ben voilà, la tempête de Giorgione, voilà, c'est un paysage, ou encore les bergers d'Arcadie de Poussin, c'est un paysage, c'est quoi ? Je ne suis pas la seule à le dire. Oui, voilà, non, ce ne sont pas des paysages, ce sont des scènes, et là on se rapproche de ce que vous dites Michel Wimans, c'est-à-dire, ce sont des scènes allégoriques qui veulent dire quelque chose dans une conception soit de la nature, soit de la politique, soit de la religion de l'époque, et pourquoi vouloir voir, parce que les personnages sont tout petits dans un coin, dans ces tableaux-là, simplement des peintures de paysages, Michel Wimans. Il y a un article d'un auteur qui s'appelle Mitchell, qui s'intéressait à la dimension politique des paysages, qui est assez intéressant parce qu'il revient sur cette question des préjugés et de l'idée de paysage pur qui a été élaborée au 19e siècle, mais jusqu'au 20e siècle, dans des textes importants sur le paysage qui ont eu beaucoup d'influence, comme Landscape into Art de Kenneth Clark, ou bien un article important de Gumbrich. Et donc Mitchell parle d'une sorte de quête de Saint Graal de ces auteurs qui sont toujours obsédés par... Une sorte d'origine du paysage pur, quoi. Comme s'il y avait à trouver une origine du paysage pur, ce qui est une folie voilà. Absolue. Et le paysage comme une sorte de modèle représentatif de la modernité, d'une sensibilité nouvelle et d'une sensibilité laïque. Or, ce que l'on constate quand on regarde les paysages du XVe et du XVIe siècle, ce n'est absolument pas cela. Périne Cavran. Oui, c'est finalement cette vision qu'on a de la Renaissance et qu'on veut absolument que tout rentre dans cette vision qu'on a. C'est-à-dire, le Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme, la foi aveugle, et puis la Renaissance, c'est l'ouverture au monde, c'est Erasme, c'est la découverte de la science, de la nature, et il faut qu'il y ait une rupture, et la rupture, c'est la laïcisation du paysage. Finalement, c'est une manière de tordre ce qu'on voit pour faire rentrer dans des catégories qui nous arrangent bien. Dans le cas de Hérimède de Blesse, il y a un cas qui est très significatif d'étude de ces paysages. C'est le premier essai de catalogue raisonné des peintures de ce peintre à la fin dans les années 1869, donc vers la fin du 19e siècle. Vous précisez bien que c'est difficile de faire un catalogue raisonné de ce peintre, qu'il était compliqué, difficile. Parce qu'on n'a pas d'attribution, on ne sait pas très bien qui il est, il ne signe pas, et donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Le travail était difficile même au 19e siècle, et surtout au 19e siècle. Et pour ce pauvre Alfred Becquet, c'est encore plus compliqué, parce qu'on attribuait à Blesse tout un corpus de tableaux religieux à partir d'un tableau qui était signé Enrico Blesio, mais qui s'est avéré être une fausse signature qui a été nettoyée. Et donc, quand on s'en est aperçu, on a désattribué tout un pan de peinture religieuse à un peintre qu'on a ensuite appelé le pseudo Blesse. Mais donc, ce Becquet... Au 19e siècle, il tente de faire un catalogue raisonné, ça arrange les cheveux. Il essaye de faire de Blesse l'inventeur du paysage avec Patinir. Et donc, il raconte que Blesse, étant né au bord de la Meuse, est devenu un peintre de paysage quasi spontanément, au contact de la nature. Il a développé une peinture de paysage qui s'est avérée moderne, mais trop moderne pour ses contemporains. Et pour des raisons économiques, il a dû, des raisons de conflits, etc., religieux, il a dû s'exiler vers la ville d'Anvers. Et c'est au contact des Flandres qu'il a régressé vers une peinture médiévale et religieuse. Et donc, il continue en ajoutant que donc, lui, ce qui obsédait cet auteur, c'était de trouver dans ses paysages de Blesse une fidélité mimétique, un coin de nature locale, de retrouver tel rocher de sa région natale. Et il continue en affirmant que les grands défauts des paysages de Blesse, ce sont les bizarreries de ces rochers, la multiplicité de détails qui sont sans lien les uns avec les autres. Et il était le directeur du musée de Namur qui possédait un magnifique paysage de Blesse, un grand paysage avec la parabole du bon samaritain, qu'il prend comme exemple en disant « on pourrait dans ce tableau trouver trois ou quatre jolis petits paysages, comme si on aurait peut-être dû découper dans ce paysage pour obtenir en réalité une forme de paysage qui correspondait mieux à cette conception moderne et que l'on a qualifié de paysage chorégraphique, donc à hauteur de regard, avec un point de vue sur un coin de nature locale. Mais ça, on peut excuser à ses prédécesseurs, aux historiens de l'art que vous êtes, cette erreur, parce qu'on expliquait hier combien la question du paysage romantique, de la reconnaissance de véritables paysages dans les tableaux issus du romantisme allemand ou du romantisme français ensuite avec Courbet, avait obsédé ce cœur du 19e siècle depuis les années 1830 jusqu'aux années 1860. Donc, que tout compte fait, qu'il ait été marqué par son époque, qui voulait absolument reconnaître des paysages dans des périodes beaucoup plus anciennes, on pourrait presque le comprendre, Michel Wemans. Oui, il a été sans doute aussi marqué par un texte important de Goethe, qui date de 1832, et qui a défini le paysage dans ses termes modernes, en affirmant que le paysage, à partir de la Renaissance, est absolument laïque, et se définit dans une relation donc d'autonomie et purement esthétique, avec une diminution, non seulement une diminution des figures religieuses. Alors Goethe, dans ce texte, va jusqu'à dire que les peintres flamands, parce qu'il regardait quand même, il a regardé, il s'est appuyé sur les tableaux de Patinir et des peintres flamands du XVIe siècle. On trouve encore, écrit-il, un Saint Jérôme ou une Sainte Marie-Madeleine, mais c'est pour que les gens qui achetaient ces paysages aient l'impression qu'ils en avaient pour leur argent. Mais il affirme que ces personnages religieux sont des prétextes et n'ont aucune signification. Ça vous fait sourire, Anne Lambert. Je vais donner ensuite la parole à Jean-Michel Croisy qui était avec nous et qui attend au téléphone. Mais ça vous fait sourire parce que tout compte fait, c'est aussi cela, la recherche, c'est revenir sur les préceptes qui ont été émis par les grands anciens et se dire que tout compte fait, ils ont pu se tromper en fonction de l'époque dans laquelle... Dans laquelle il vivait, Anne-Laure Imbert. Oui, bien sûr. Je voudrais revenir, puisque plus ça va, plus on complexifie la question, mais finalement. J'ai pu comprendre. Je voudrais revenir sur cette histoire de coupure, parce qu'on a parlé de la coupure Moyen-Âge-Renaissance, mais il faudrait peut-être parler aussi du rapport du Moyen-Âge, ou en tout cas donc, du XIVe siècle, avec l'Antiquité. Oui. Et là, je rebondis justement sur ce qu'a dit Jean-Michel Croisy, à qui vous allez, je pense, rendre la parole maintenant. Eh bien, c'est que il me semble, moi, personnellement, qu'une des grandes données qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'émergence du paysage est sans doute liée au regard de l'otium. Hein, l'otium, donc cette notion essentielle dans l'Antiquité romaine, donc opposée au negotium, qui est cette partie du temps que l'homme libre peut consacrer à l'étude. Eh bien, il y a... une sorte de revival, de renouveau de ce discours de l'otium au XIVe siècle. Hein, que ce soit en France, je pense à Jean de Jandun, par exemple, ou bien sûr en Italie avec Pétrarque. Oui, hein, Pétrarque qui donc se retire dans sa propriété du Vaucluse, hein, que Lamartine qualifiera de Tibur des Gaules, avec cette polarisation, donc la campagne d'un côté, où l'on peut donc vaquer à l'otium, et la ville, hein, Avignon, comme la nouvelle Babylone, donc vraiment... perçue comme négative. Et au XIVe siècle, eh bien, on va se mettre donc à orner certains palais avec donc des panoramas. C'est le cas du Palais des Papes, par Absolument, exemple. Simone Martini, avec Simone Martini et ceux qui ont travaillé avec lui. Tout à fait. Et on peut aussi considérer donc ces fresques comme une sorte de, ben justement, de renouveau de ce qui se faisait dans les villas romaines. Et Jean-Michel Croisy parlait tout à l'heure de Studius. Il me semble que la lecture du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti peut se faire aussi selon donc une relecture de Pline et des descriptions des œuvres de Studius par Pline. C'est assez frappant, hein, dans le détail vraiment de la description de Pline. On va retrouver vraiment des cellules que l'on retrouve dans le Bon Gouvernement. Jean-Michel Croisy, remercier Anne-Laure Imbert d'avoir ainsi fait le lien entre cette fin du Moyen-Âge supposé et ce début de Renaissance et votre période qui est la période de la peinture romaine. Jean-Michel Croisy. Je pense qu'il faut revenir à des notions un peu plus fondamentales, en particulier le rapport entre l'homme et la nature. À partir de quel moment on a donné à la représentation naturaliste une importance de plus en plus grande par rapport au personnage? C'est la question fondamentale, me semble-t-il. Et vous parliez tout à l'heure de Patinir que je considère pour ma part comme certainement le véritable créateur du paysage presque pur. En fait, c'est le rapport de l'homme à la nature et la représentation de l'homme à l'intérieur de la nature qui importe avant tout. Qu'est-ce qui est le plus important? L'homme ou la nature? L'homme dans la nature. Si l'on pense au tableau de Saint Jérôme, par exemple, les nombreux Saint Jérôme au désert qu'a représenté Patinir, on s'aperçoit que c'est l'élément naturel qui domine essentiellement. Saint Jérôme est tout petit. Et la représentation naturaliste, qui n'est peut-être pas d'ailleurs très précise, hein, il y a un certain nombre de topias chez Patinir, évidemment, comme chez Studius, mais c'est ce rapport entre l'homme et la nature qui importe avant tout. Et je songe ici justement à des représentations d'époque romaine où l'on voit, dans une autre perspective, des paysages dits mythologiques. Ce ne sont plus à ce moment-là des scènes religieuses au sens moderne, mais ce sont des mythes à la tradition gréco-romaine, comme par exemple Persée, Andromède, le vol d'Icare, etc., où l'on s'aperçoit que l'histoire mythologique, se fond à l'intérieur d'un contexte naturaliste dont on peut étudier les éléments, évidemment, et tout cet ensemble forme ce que l'on appelle les paysages mythologiques dont on a toute une série à partir de l'époque augustéenne. Oui, vous dites en fait, Jean-Michel Croisy, dans votre livre qui s'appelle donc Paysages au pluriel dans la peinture romaine, que pour un observateur antique, le plaisir esthétique procuré par la représentation d'une scène champêtre, par exemple, est toujours imprégné, dites-vous, du sentiment du sacré, puisque des divinités familières hantent en permanence ces montagnes, ces forêts, ces fontaines et ces cours d'eau, Jean-Michel Croisy. Il ne faut jamais négliger cet aspect, en effet. Quelqu'un qui a donné à la peinture romaine une dimension spirituelle évidente, c'est l'archéologue suisse Karl Scheffold, qui a consacré tout un ouvrage à la signification spirituelle, justement, qu'il ne faut jamais négliger dans les représentations picturales d'époque romaine. Et c'est donc ce rapport entre l'homme et la nature, l'homme qui se trouve dans la dépendance de la divinité et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Alors, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de l'époque augustéenne, une importance de plus en plus grande consacrée à la représentation des éléments naturels qui entourent l'homme, qui le domine et qui lui donne une importance de moins en moins grande par rapport aux phénomènes naturels qui l'entourent. Voilà ce que l'on peut observer à l'époque romaine, je crois, d'une façon assez permanente. Et tout cela s'est développé dans deux dimensions que je considère comme complémentaires. D'une part, cette représentation de paysages dits mythologiques. Oui. Et d'autre part, des paysages qui perdent alors tout rapport avec telle ou telle histoire légendaire, mais qui se focalisent de plus en plus sur la vie quotidienne et sur les activités Absolument. De l'homme dans la nature. Merci Jean-Michel Croisy. Voglio che cadano questo sale in polvere e questa membra in cenere, questo sale in polvere e questa membra in cenere, e che si volete miei tra l'ombre vadano. Già che quelli piechi in gemma l'erbete, sempre fuggiano me, me lo trattengono i lacci. La Belle et più bella de Monteverdi dans cette émission consacrée aux paysages, en particulier à la Renaissance et à l'époque antique. Perrine Gerbrand. Alors, il y a probablement, Michel Wimans, une autre chose qui nous perd aussi dans cette histoire de paysage, c'est-à-dire ceux qui regardaient, ceux du 19e siècle, qui regardaient le paysage et qui cherchaient donc ce paysage pur, ce paysage. Il y avait finalement aussi cette notion de est-ce que c'est un vrai paysage? Est-ce qu'ils ont peint la réalité, un endroit précis? Est-ce que c'est un faux paysage, un paysage imaginaire? Et de temps en temps, on découvre en creusant un peu que certains paysages considérés au 19e comme du paysage pur étaient en fait des paysages inventés. Donc finalement, là aussi, ça relativise encore tout ça. C'est-à-dire que la question essentielle, c'est voilà, on regarde la nature d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on voit quand on est face à ces paysages ? Exactement. Sans doute, il y a une dimension topographique, il y a des coins de villes ou de paysages réels qui ont inspiré les peintres. Là, je parle des peintres flamands du XVIe siècle. Mais c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu que ça. Moi, je ne parlerai pas de paysage pur, hein, je parlerai plutôt de paysage impur, parce qu'on a affaire à des formes, on pourrait qualifier, disons, d'hybrides, de paysages qui mélangent l'allégorie, à la fois paysage, histoire, fable, mythologie et bien sûr religieux. On n'a pas affaire, donc, dans ces paysages que l'on a qualifié de paysage monde, Weltlandschaft, on n'a pas affaire à un coin de nature locale, il y a une relation purement mimétique avec la nature, on a affaire à une construction artificielle, symbolique et religieuse. Avec une particularité aussi dans cette peinture flamande, c'est que le peintre lui-même se pose dans une sorte de position de demi-dieu. Il n'est pas, c'est pas un paysage vu du ciel, mais c'est un paysage vu d'une éminence qui n'existe pas dans la nature, qui est tellement élevée qu'au bout du compte, on peut voir jusqu'à des dizaines et des dizaines de lieues. Et d'une certaine façon, ce regard tel qu'il est porté est un regard déjà totalement biaisé, pourrait-on dire, Michel Wimans. Exactement. C'est très important, cette question du regard. On n'arrête pas de le dire. La question du regard et de la vision sont extrêmement fondamentales, mais extrêmement complexes. Quand on s'intéresse au paysage, il faut essayer de comprendre la vision dans un sens large et complexe. Ces paysages flamands que l'on a qualifiés de Weltlandschaft, paysage monde, se caractérisent par un point de vue élevé, hein, comme un point de vue presque divin, en hauteur. Plus tard, on a appelé ça les vues à vol d'oiseau. Et ils permettent, sur une surface parfois réduite, de rassembler une multiplicité de points de vue. Des lacs, régions, des rivières, des montagnes, la mer au loin, etc., etc. Des forêts, des villes, des régions géographiques très contrastés parfois, tout cela rassemblé sur une même surface, comme si on avait un condensé du monde sur le tableau. Cela veut dire une chose importante, c'est que le paysage, donc, encore une fois, ne reflète pas un coin de nature locale, mais reflète une conception de la nature. Une conception de la nature humaniste, chrétienne, que résume une expression qui est très importante, qui est omniprésente dans la culture de l'époque, c'est celle de livre de la nature. Mmh. Le livre de la nature, c'est l'idée que la nature est un grand livre écrit par le doigt de Dieu et que chaque élément, chaque brin d'herbe, chaque animal donne sens à ce livre. Donne un sens qu'il faut chercher, qu'il faut décrypter, qui renvoie à la grandeur du Créateur. Donc la multiplicité des points de vue et l'ampleur cosmique de ces paysages reflètent la grandeur du Créateur. Périne. Donc là, effectivement, si les personnages sont tout petits, ce n'est pas parce qu'ils sont moins importants et ce n'est pas parce que la nature prend toute la place, c'est parce que Dieu prend toute la place. Bien sûr, les paysages, les personnages dans les paysages sont parfois tout petits, mais de là à dire, comme l'a dit Goethe et ensuite beaucoup d'auteurs, qu'ils n'ont pas de signification, en même temps que les personnages n'ont pas de signification, le fond, le paysage n'a pas de signification, donc le paysage pur débarrasse le paysage jusqu'à sa dimension significative. Si les personnages sont petits, ils ont quand même une grande importance. Je pourrais peut-être m'appuyer sur un exemple, puisqu'on est à la radio, je peux peut-être décrire... Allez-y, décrivez, c'est bien d'écrire à la radio. Je vais revenir sur ce paysage qui représente la parabole du bon samaritain, pour essayer de comprendre... ce que signifie cette idée de livre de la nature. Le livre de la nature suppose une articulation avec l'autre livre, le livre des Écritures. Pour un peintre comme Hérimée de Blesse, ça s'est traduit par une constante articulation d'un répertoire de motifs récurrents, que moi je n'appellerai pas des topiae, mais plutôt des topoi, qui correspondent donc à très souvent des métaphores christiques ou à des métaphores visuelles et qui sont articulées. Donc, ce sont des animaux, des arbres, un rocher d'où émerge une source qui est une figure christique, le moulin qui est aussi une allégorie christique. Donc, tous ces éléments, Blesse et Patinir avant lui, les ont hérités des paysages du XVe siècle. Et tous ces éléments sont articulés avec les figures du récit biblique. Donc la parabole du bon samaritain représente le bon samaritain qui vient secourir le blessé, tandis que le prêtre et le lévite ne le considèrent pas et donc sont attachés à la lettre, sont moralement aveugles, tandis que le bon samaritain met en pratique l'esprit de l'évangile. Donc là, on a un contenu, une signification tout à fait érasmienne dans ce tableau qui est mis en scène. Et puis, tout un tas d'éléments du paysage viennent agir en relation avec les personnages du récit biblique. Par exemple, ce paysage donc, panoptique, avec une abondance de forêts, de maisons, de grottes, de rivières, etc., est encadré par deux motifs que l'on retrouve dans beaucoup de ces paysages, qui sont l'arbre mort et l'arbre verdoyant. Mmh. L'arbre mort, c'est une espèce d'arbre un petit peu monstrueux qui pousse sur un sol aride où l'on voit des corbeaux en train de ronger des os et qui est creusé comme une caverne et que traverse précisément le prêtre qui est attaché à la lettre, hein, qui regarde son livre, qui est moralement aveugle et donc qui s'oppose au bon samaritain qui lui est associé à l'arbre verdoyant qui est une allégorie christique. Donc vous voyez comment l'articulation des deux livres se traduit Dans un seul tableau. Alors tout de même, Anne-Laure Imbert, on comprend bien que ce qui manque souvent, c'est une documentation pour vous aiguiller dans votre vision de ce qu'on appelle soit paysage pur, soit paysage impur, comme vient de le dire Michel Wiemans, parce qu'au bout du compte, vous êtes, contrairement aux spécialistes du paysage représenté à l'époque romantique qu'on avait hier, vous êtes un peu dénué de textes théoriques qui, eux, étaient très abondants au XVIIIe ou au XIXe siècle, qui permettent de comprendre ce que voulait faire Caspar David Friedrich quand il faisait ses paysages romantiques allemands. Vous êtes là en train de travailler sur avec peut-être un peu de manque de textes théoriques et de références. Et vous êtes obligé d'interpréter. Et c'est ce qui fait qu'on peut se tromper dans les interprétations, en l'occurrence. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, nous n'avons pas de déclaration d'intention, effectivement, ni du peintre, ni même du commanditaire. Mais en revanche, nous avons tous les textes littéraires et tous les textes qui accompagnent. Sacrés. Que nous pouvons faire entrer en résonance. Et d'un point de vue théorique, je dirais que nous avons quand même aussi un certain nombre de manuels de peinture. Et lorsque Michel Wiemans donc parlait, par exemple, du symbolisme de certains éléments, hein, qu'il s'agisse pas de l'opposition entre l'arbre mort et l'arbre verdoyant, bon, c'est quelque chose qu'on a dans la peinture italienne de la Renaissance. On peut penser à Piero della Francesca, Mantegna, etc. Mais il faut remonter, je dirais, beaucoup plus haut. La peinture italienne, dans ses débuts, c'est-à-dire fin 13e, début 14e, elle est héritière de la peinture byzantine. Mmh. Or, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a du paysage aussi dans la peinture dans l'art byzantin. Bien sûr, hein. Bien sûr. Et en particulier, donc, le paysage conçu comme un commentaire de l'action ou qui va servir d'appui à la mise en valeur de certaines figures. Qu'est-ce que un des grands byzantinologues, Otto Demus, a ainsi donc décelé ce qu'il appelle le paysage commentaire. Donc, par exemple, vous avez la Vierge ou le Christ, donc en tout cas le personnage sacré le plus important de la scène, qui va être mis en valeur par une montagne que l'on va dessiner derrière lui. Eh bien, ce paysage, cette utilisation donc, des éléments naturels pour appuyer la sacralité d'un personnage ou pour développer donc la narration. Ces qualités intrinsèques, on peut aussi imaginer qu'une qualité soit liée à un type d'élément et que ce type d'élément soit placé derrière le personnage principal, par exemple. Oui, oui. En tout cas, par exemple, quand on lit des manuels d'art byzantin, la montagne est omniprésente comme signe du sacré, par exemple. Et donc, cela va passer dans l'art italien, puis dans l'art flamand, et voilà comment on arrive finalement jusqu'à Patinir ou Maître de Blesse. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que l'origine du paysage, eh bien, elle naît de cette collecte de toutes ces sources, et aussi donc d'un dialogue extrêmement fécond entre l'Italie et le Nord. les Flandres et puis ensuite... Et ne pas oublier effectivement ce dialogue avec l'Est du bassin méditerranéen et l'Empire byzantin qui a été quand même une des sources principales de l'art italien. Voilà, donc ça vraiment pour les origines, vraiment pour le 13e et le 14e siècle. Et ensuite, à partir donc, de la fin du 14e, un dialogue avec la France et les Flandres ensuite au 15e. Un dernier mot, Michel Wimans, sur ce point, justement, sur cette idée qu'il faut absolument tout mettre en réseau, en relation, plutôt que de mettre tout dans des petites cases, soit chronologiques, soit géographiques, et que le travail, c'est de refaire les pas, resuivre les pas des marcheurs qui allaient d'Anvers en Italie, d'Italie en Anvers, en passant à Anvers, en passant par les foires de Champagne, et que cela, c'est absolument essentiel pour comprendre ce qui se passait. Oui, il faut à la fois, donc non pas séparer, mais relier historiquement, le paysage avec des périodes antérieures, mais il faut aussi relier géographiquement et peut-être pas séparer le paysage flamand du paysage italien. Le paysage possède, à partir du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, une dimension qui est foncièrement européenne, on peut dire. Le mot paysage apparaît à ce moment-là dans plusieurs langues européennes, ça a été très bien étudié. Et ces paysages qui montrent sans cesse des voyageurs, des villes, reflètent les relations d'échange, de commerce, mais aussi les voyages d'artistes qui vont s'intensifier à partir du XVIe siècle. Merci à vous. Donc, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous, Michel Wimans. Je rappelle que vous êtes auteur de Héry, maître de Blesse, les Russes du paysage au temps de Bruegel et d'Erasme. C'est aux éditions Hazan, un très beau livre qui fait le point justement sur cette question et que vous avez préparé. Donc, pour l'instant, un livre sur Joachim Patinir qui sortira bientôt. Et vous êtes également auteur du paysage extravagant. On peut également vous lire, Anne-Laure Humbert, bientôt dans Regardeur Voyageur et Flâneur dans la peinture. C'est un ouvrage collectif que vous dirigez aux publications de la Sorbonne qui sortira bientôt et on attend votre thèse donc sous le beau titre de Terre au pluriel de Sienne, consacrée au paysage chinois au 14e et 15e siècle. Et puis il faut absolument citer Jean-Michel Croisy, Paysage au pluriel dans la peinture romaine. C'est aux éditions Picard. Merci à tous. Demain, eh bien, table ronde fiction, premier vendredi du mois. Et puis également, eh bien, nous allons, il faut absolument dire que, comme d'habitude, c'était Marie-Vanne Bolivier et Aurélie Marseille qui avaient préparé cette émission, que Dalia était à la technique et que Véronique Samouilov était à la réalisation.